BR Metal, avec 4 divisions, mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Metal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Metal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Olbeau-Mistassini. On va parler de hockey mineur de Olbeau-Mistassini avec notre ami David Lamontagne. Salut David. Salut Danny. David, les séries sont actuellement en cours. On va commencer avec le Bantam, tiens. Oui, ben les séries sont commencées, mais pour notre équipe Bantam, ça commence en fin de semaine. Autrement dit, la première série, c'était les deux dernières positions. Donc en fin de semaine. Les Patriotes contre les Ambassadeurs, c'est ça? Ambassadeurs, oui. Fait que rapide, on commence en fin de semaine dimanche. OK. Et contre les Sags. Chicoutimi, Jonquière-Labbé. Là, on est en fin de saison, les glaces, il va se passer quoi, là? Comment ça va marcher? Les glaces, ça rentre pas mal dans les temps, là. La glace Mississini termine un petit peu avant, mais on est correct pour les séries, terminer avec Dolbeau puis Normandin, on est correct pour terminer nos séries. OK, les Castors, maintenant. Les Castors, on sont en demi-finale, ont gagné leur série contre... Leur première série contre les Ambassadeurs, la deuxième série contre les Aiglons d'Alma. C'est 1-1 en série. Puis le prochain match ce soir à Alma, puis le dimanche à Dolbeau, dimanche soir à Dolbeau. OK. C'est 1-1 en série. Je viens de parler avec. J'ai parlé hier avec Robin Bouillard, puis il me disait qu'on prévoit une série longue, hein? Bon, comment t'as dit ça? On prévoit une série très longue. J'ai parlé avec Robin hier, et puis on prévoit une série très longue. Les matchs sont serrés. Le premier en prolongation, le deuxième, c'est gagné par un but, c'est des matchs assez serrés, ça se prolonge. OK. Maintenant, au niveau du simple. Simplelette, les séries sont en fin de semaine, commencent en fin de semaine. Pour notre secteur, on reçoit les équipes du Bantam B et puis Midget B. OK. Des parties à Dolbeau, parties à Mississini, parties à Normandin. On a nos deux équipes, les Éperviers dans le Midget B puis dans le Bantam B, quand même des bonnes équipes. On espère qu'ils seront le plus loin possible. Ça se fait aussi sur deux fins de semaine, autrement dit. Les demi-finales, finales sont en fin de semaine, la deuxième fin de semaine, autrement dit. OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, c'est ça? Oui. On va parler, donc on s'en reparle la semaine prochaine, jeudi ou vendredi? Oui, pas de problème, Danny. Voilà, donc c'était l'entrevue avec David Lamontagne, du hockey mineur de Boom 6.